combien de nuits à ta fenêtre à humer l'air autour de toi. Et quand la lune est à son plein, je rêve de caresser ton sein et poser mes crocs sur ton cou. Qu'est-il faire pour que mes voeux percent l'écorce de tes yeux? Oh, tes yeux. J'irai assassiner un roi, crier que je l'ai fait pour toi. Oh, au ciel, nos deux noms brilleront, puis dans un trou noir, tout au fond. Puis dans un trou noir, tout au fond. Désastre. Je m'en irai ramper parmi les miens dans ces dédales cyclopéens où ton visage lit comme un astre.